J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel, un fichu caractère, j'suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis, j'ai donné des ulcères à mon père pis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas, il se livrait lui-même à la SPCA. Hey! Hey! Trop mauvais caractère, je vais changer de profession, je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand je viens de me lever pour me calmer les nerfs. J'avale 40 cafés, j'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après une heure et quart, elle se rhabille pas, prend le bord. Un soir pendant un show, y'avait un grand nono, il parlait un peu fort, il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J'suis tanné de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer, laissez-moi pas tout seul, 5 minutes avec moi. J'ai mauvais caractère. Finir en...